avec ma guitare, mon ordi, mon micro et ma connerie. Seul avec ma guitare, mon ordi, mon micro et ma connerie. Si je suis seul avec ma guitare, mon ordi, mon micro et ma connerie. Si je suis seul avec ma guitare, mon ordi, ma connerie, si je suis seul avec ma guitare.